Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also lost his teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous crachez le feu ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Cette nuit, j'ai assisté à la préparation des Lupercales. Vous savez, ces prémices antiques et authentiques de la Saint-Valentin où des prêtres nus fouettaient les femmes dans la rue pour stimuler la fécondité. Et franchement, je me suis bien marré. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien justement, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 24 est un bourreau des cœurs. Un bourreau des cœurs ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Don Giovanni ? Non. Non, notre patient a fait moins de victimes. Bon, allons-y, vous êtes prêts pour le lancer de briques ? Attention, c'est parti. Vicère. Vicère ? Serre la vis ? Geneviève de Fontenay avec les Miss France. Non, mais Madame de Fontenay aurait sans doute beaucoup plu à notre patient. Attention, deuxième brique. Boucher. Boucher ? François Boucher, un peintre rococo ? Fragonard. Ah non. Non, mais avec la peinture, on se rapproche, puisque notre patient est un spécialiste des natures mortes. Allez, dernière brique. Whitechapel. Ah, ok doc. Le boucher de Whitechapel, c'est Jack l'éventreur, bien sûr. Redoutable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de ce petit anatomiste tripier. Maniez vos le train, les filles, et apportez au labo vos boyaux et le dossier de monsieur l'éventreur. Allez, Jack, à table. J'ai remarqué quelque chose à propos des meurtres. J'ai même une théorie là-dessus. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon ? Quoi, nous avons affaire à un serial killer. Un quoi ? Un serial killer. Hein ? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Profil type du serial killer, exactement comme le décrivent toutes les études du FBI. C'est-à-dire ? C'est-à-dire tout. Petit costume cintré, ses airs supérieurs, ses espèces de petites mains manucurées, sa manière de dire « Oui, c'est la police faire son travail !» Mais calmez-vous, Cara. Je suis très calme. Avez-vous entendu, monsieur l'éventreur, combien votre réputation est coriace, à tel point que l'équipe du ministère psychique est un peu nerveuse à l'idée d'ausculter votre effrayante structure mentale de psychopathe. Sans aucun doute, vous pouvez vous vanter, Jack, d'être le plus célèbre de tous les tueurs en série. Mais bon, à ce propos, commençons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous trouble particulièrement au cœur du dossier de notre patient. Alors que dire, professeur Colin ? Eh bien, assurément, ce qui m'intrigue le plus dans ce dossier de Jack l'éventreur, c'est qu'au final, ce fut un sordide épisode londonien, certes, mais très court. Rendez-vous compte, à peine quelques semaines durant l'automne 1888. Et surtout, ce fut un assassin bien moins meurtrier que d'autres. Et pourtant, la réputation de Jack l'Éventreur est légendaire, comme nous le racontait déjà, en 1955, l'écrivain Pierre McCorlan. En 1925, le souvenir de Jack l'Éventreur était encore puissant dans la population londonienne. Je me souviens d'une nuit où je me promenais dans la Warwick Street en compagnie d'un sergent de police du poste de Whitechapel High Street. À l'angle de Middlesex Street, autrefois Petit Cote Lane, comme nous parlions d'un récent match de rugby, mon compagnon s'arrêta brusquement, me frappa sur l'épaule et m'indiqua du doigt une grande porte en bois qui devait accéder à un garage. C'est ici que l'on trouva la septième victime de Jack. Instantanément, la rue fut transformée, mais nous poursuivîmes notre promenade. Par respectabilité, je ne voulais pas regarder en arrière, mais je savais que quelqu'un nous suivait. Cela dit, Jack l'éventreur fut officiellement accusé de 5 meurtres, et non 7. Nous y reviendrons en détail, bien sûr, d'autant que le mystère de ces crimes demeure aujourd'hui encore non élucidé. Personne ne sait qui fut réellement Jack l'éventreur. Eh bien, durant 53 minutes, chers amis, essayons de dépecer au mieux cet étrange dossier des bas-fonds londoniens afin d'établir ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de ce charcutier organique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patient psychopathe et maléfique par une exhortation immédiate et cathartique. Hit the road, Jack. Don't you come back. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Qui conseillait à l'éventreur de tracer sa route deux fois, non pas à coup de couteau, mais à coup de biroute. Les femmes sont-elles plus prédisposées au crime en général que les hommes, docteur? Lombroso et mon maître, M. Lacassagne, enseignaient l'un et l'autre que les femmes sont très peu criminelles parce qu'elles ont d'autres distractions et d'autres moyens de gagner leur vie. Je ne voudrais pas insister, ce ne serait pas galant. Mais il est sûr que s'il y a peu d'hommes prostitués, il y a d'autre part peu de femmes criminelles. L'un est la compensation de l'autre. Avant tout, le ministère psychique apprécie cette introduction que nous offre ce matin l'éminent docteur Edmond Locard, qui n'est pas un spécialiste de l'ocarina et encore moins du pipeau, puisqu'il est criminologue. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour ouvrir le dossier de ce jour, car le ministère psychique s'intéresse ce matin à une célébrité mondiale dont tout le monde ignore l'identité, à savoir Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, star des tueurs en série et succès planétaire, malgré un palmarès plutôt modeste, seulement 5 ou 6 victimes sur une période assez courte, quelques semaines. Alors, souvenons-nous de cette sanguinolente et mystérieuse affaire. Le 31 août 1888, à Londres, dans le quartier populaire de Whitechapel, les prostituées font tranquillement et consciencieusement leur boulot, comme par exemple la douce Mary Ann Nichols. Oh, bonsoir. Bonsoir. C'est pas encore l'été, hein? Non. Pas encore. Attention, monsieur, vous allez salir vos beaux habits. Voulez-vous cette pièce d'or? Ben, vrai, vous savez parler aux femmes, vous. Allez, venez, j'habite juste au coin de la rue, là. Non, là. Ben, vous, alors, ça vous démange, on dirait. On est d'accord. Oh. Oh, j'adore la musique. On va faire ça en musique. Ben, amène-toi. C'est servi chaud. Et ces choses-là, faut pas les faire froidir. Comment tu t'appelles, mon joli? John. John. Oh, John. Mais tous mes amis m'appellent Jacques. Oh. Je m'ai coupé en deux. Puis il l'empoigna. Alors? Il la ficela. Alors? Il l'a mis sous la scie. Alors? Et alors? Et alors, bien évidemment, il l'a tuée, cette gentille prostituée. Bon, il est certain que dans le quartier malfamé de Whitechapel, le meurtre d'une prostituée était un événement non pas banal, mais tout au moins courant. Pourtant, dans ce cas précis, cette scène de crime a tout de suite beaucoup intrigué la police. Les viscères pleins baignent dans une espèce d'eau abondante. Les reins, le foie... Et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, alouette. Et cette horrible boucherie à Whitechapel fait la une des gazettes qui se régalent de l'horreur des crimes et qui se repaissent des détails scabreux. Un climat d'angoisse s'installe donc à Londres, alimenté par le responsable de l'affaire lui-même, l'assassin de Whitechapel, que les journalistes ne tardent pas à surnommer Jack l'éventreur, c'est plus vendeur. Un tueur en série qui sait jouer de la terreur qu'il provoque en envoyant à la presse des lettres terrifiantes, lecture authentique. Cher boss, je n'arrête pas d'entendre dire que la police m'a pris, mais elle ne m'arrêtera pas de sitôt. Ça me fait bien rire qu'ils aient l'air si malins et qu'ils racontent qu'ils sont sur ma piste. Je suis contre les putains et je n'arrêterai pas de les découdre, sinon quand je serai bouclé. Superbe mon dernier boulot. Je n'ai pas laissé à la dame le temps de piailler. Comment peuvent-ils me capturer maintenant ? J'aime mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes joyeux petits divertissements. Le prochain boulot que je ferai, je couperai les oreilles de la dame et les enverrai à la police, rien que pour la rigolade, n'est-ce pas? Voilà maintenant qu'ils disent que je suis un médecin. Ha ha ha ha. Et c'est signé de Jack l'Éventreur. Ces lettres signées de Jack l'Éventreur ne sont sans doute pas toutes authentiques, tant l'affaire suscite chez certains petits malins, des vocations épistolaires. Mais ce qui fascine surtout le public, et ce qui le terrorise, c'est l'atrocité toujours croissante de ces meurtres. Ainsi, le 9 novembre 1888 est assassinée la dernière victime attestée de Jack l'Éventreur. Il s'agit de Mary Jane Kelly, dite Ginger, qui, après avoir été égorgée, se fait très soigneusement découper. Ses organes sont prélevés un à un et disposés tout autour de son corps, là où ils n'ont pas raison d'être. Sous la tête se trouvent l'utérus, les reins et un sein, alors que l'autre sein est à côté du pied droit, le foie, lui, est entre les pieds, et le reste des organes, comme les intestins ou la rate, sont disposés tout autour du corps, comme pour décorer. Un véritable choc pour les enquêteurs de Scotland Yard. Seigneur. Une vraie petite londonienne, pétrie de charité et de compassion pour ses frères dans le malheur. Ou plutôt ses sœurs d'infortune. Là, il s'est surpassé, n'est-ce pas? Il lui a enlevé les intestins et les a soigneusement enroulés autour du cou et des épaules. Cette fois, je crois qu'il a prélevé plus d'organes. Salut! Retrouvez tous les meilleurs morceaux de Beefsteak dans Beefsteak la vidéo. Et quand je dis les meilleurs morceaux, ce sont vraiment les meilleurs morceaux. Retrouvez barrettes, hachées, onglets, entrecôtes et aussi les plus grands morceaux dans le filet comme le faux filet ou le rump steak. C'est géant! C'est géant! Mais c'est surtout morbide, ces crimes de Jack l'Éventreur. Car au sentiment d'angoisse que provoque le récit détaillé des découpages de prostituées, s'ajoute une psychose des foules qui voit sa police incapable de mettre la main sur l'assassin. Et pourtant, Scotland Yard est alors la meilleure police du monde, merde. Pour nous, le commissaire Bouter a ouvert sa bouche, utilisé ses lèvres et sa langue, et en agitant le tout au bon moment, a pu sortir des mots que l'on comprend. Une drôle d'histoire que cette horreur. L'arme du crime appartient à la victime, c'est elle qui a acheté les sacs poubelles, et on a retrouvé le corps chez elle. C'est vrai que les faits ont de quoi déstabiliser les fins limiers clavouirins. Détail. Dans le sac numéro 1, il y avait les pieds, les genoux, les jambes. Dans le sac numéro 2, le tronc, je suis désolé. Et dans le dernier sac, les bras, la tête et les deux mains, dont la gauche, qui tenait encore la scie. C'est donc un suicide, par bout, dans l'ordre. Les bruits qui courent peuvent donc s'arrêter de courir et de crier. Mais comme dans toute affaire classée, un doute subsiste. Par contre, on n'arrive pas à comprendre comment elle a réussi à faire les nœuds du dernier sac de l'intérieur. Et voilà, on n'arrive pas à comprendre comment faisait Jack l'éventreur et surtout qui il était. Puisque le mystère reste aujourd'hui entier, on ne connaît toujours pas son identité. Et ça, c'est impardonnable. Dans notre société qui adore le contrôle total et le fichage systématique avec Stick, Ardoise ou Edwige. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que la figure de Jack l'éventreur constitue toujours une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, je me suis donc intéressé à ce passionnant dossier de monsieur l'éventreur, Jack l'éventreur, cet homme qui a choisi une méthode odieuse pour faire parler de lui, puisque les jeunes femmes qu'il a rencontrées ont été taillées, débitées. Oui, ces jeunes femmes ont été taillées, débitées. Professeur Colin, ce Jack l'éventreur avait tout compris des médias. Jaco a su profiter de l'essor incroyable de la presse populaire à la fin du 19e siècle, qui se régalait d'effets divers. Mais attention, que cela soit bien clair, professeur. Le fait divers n'est pas né avec la presse. Bien au contraire, c'est le fait divers qui a permis à la presse d'être populaire et de connaître un succès de masse. Et en cela, l'événement marquant en France est sans doute l'affaire Troppmann, appelée également le massacre de Pantin. Elle a tenu la France en haleine à la fin du Second Empire, en 1869. 69, année nécrotique. L'affaire Troppmann, c'est une véritable horreur, avec tout ce qu'il faut pour faire un bon fait divers. Un crime horrible, toute une famille massacrée, les Kink, le père, la mère, les frères et les sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Mais non, c'est une horreur, des meurtres à Pantin et en Alsace. Un criminel de 19 ans à la personnalité complexe. Et même le fantasme de l'intervention supposée des services secrets prussiens. Mais avec l'affaire Troppmann, comme quelques années plus tard avec Jack l'éventreur, c'est surtout la littérature qui s'empare du fait divers. Troppmann a fasciné Flaubert, Turgenev, Rimbaud ou encore Lautréamont. Et Roland Barthes, qui a étudié la structure des faits divers, la compare à celle d'un conte où tous les ingrédients sont réunis, les causes, les circonstances et surtout l'issue. Et l'issue pour Jean-Baptiste Troppmann, c'est la guillotine en janvier 1870 et ça... C'est comme la neige, c'est un fait divers. Voyez-vous, professeur Colin, le fait divers fascine le peuple. Et pour accentuer la chose, il suffit pour les journalistes d'utiliser un certain vocabulaire à bon escient. Par exemple, monstre sanguinaire, macabre découverte, terrible secret, enfin tous les poncifs de l'horreur, quoi. Et c'est en cela que Jack l'éventreur a tout compris. Il faut faire des crimes odieux pour faire parler d'eux. Il faut un massacre, il faut découper les corps en petits bouts. Ainsi, professeur Colin, je pense que le Parti Socialiste a finalement choisi cette voie pour faire parler de lui. C'est un peu son ultime solution. Donc, voici la scène du crime. Macabre découverte du corps dépecé du socialisme, sans doute l'œuvre d'un monstre sanguinaire. Les organes dirigeants ont été retrouvés éparpillés. Mais un terrible secret demeure,

les 5 meurtres de Jack l'Éventreur. Notons également que les assassinats ont cessé dès 1889, l'année même où ce James Maybrick mourut empoisonné par sa femme. Autre indice, les 2 premières lettres de son prénom, James, associées aux 2 dernières lettres de son nom, Maybrick, forment un joli pseudonyme, Jack. Alors, comme il est coutume de le faire avec les serial killers, intéressons-nous à la jeunesse de notre suspect. Très vite, nos recherches nous ont conduit à nous pencher sur la figure du père. En effet, le daron de James Maybrick, sous son image nickel de bourgeois anglais, semblait en réalité présenter de sérieux troubles névrotiques. Couchez ! Méchant Fifi ! Papa n'est pas content ! Espèce de... Excusez-moi, j'étais en train d'engueuler cette saloperie d'affichette qui m'a manqué de respect tout à l'heure. C'est normal, si vous n'exercez pas un minimum d'autorité sur les objets qui vous entourent, vous vous faites très vite dépasser. J'ai toujours pensé que les objets étaient des petits enfoirés. C'est comme Jean-Patrick, par exemple. Jean-Patrick, c'est mon bureau, et régulièrement, je m'assois sur lui pour lui signifier que je suis le plus fort, que c'est moi le patron. Ou sinon, vous pouvez me croire, ce sera lui le chef demain. Oui, sans conteste, le père de James Maybrick avait un gros pet au casque. Et forcément, ce redoutable pervers n'a pas épargné le développement psychique de son fiston. Et, vois-tu, outre son ardeur obsessionnelle pour les objets à la con, là, ce taré de Liverpool avait également une appétence pour certains organes humains, passion à laquelle il a tenté d'initier son héritier, James, notre suspect. Est-ce que tu sais ce que c'est que le petit Eurys ? Non, c'est pas non, vrai. Non, parce oui, que tu... je sais, oh, le petit excuse-moi, Eurys, oui, c'est vrai, tu sais tout, j'oubliais, monsieur est un expert, mais, tu as tout écoute, on m'a dit cours d'éducation sexuelle, tu sais, alors je suis étonné que tu sois obligé de me parler du petit Eurys. Écoute, je m'excuse, d'accord ? Non, non, non, c'est moi qui m'excuse, je m'excuse. Excuse-moi. Je m'excuse. J'ai eu tort de m'énerver. Bon, alors voilà ce que je te propose. Ça n'est pas très compliqué, je vais te laisser cette littérature. Mais non, bonne idée. Tu pourras la feuilleter quand tu en auras envie. Bon, ben voilà, c'est fait. Oui. Je te vois au dîner. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Évidemment, au cœur de cette Angleterre victorienne pudibonde, avec une telle approche du sexe féminin, le pauvre et jeune James Maybrick fut pour le moins traumatisé. Si bien que son adolescence fut compliquée, et notamment lorsqu'il croisait de sublimes et fraîches petites Anglaises. Quand surgissaient ces demoiselles, le futur Jack l'Éventreur fut alors pâteau, tel son légendaire voisin et puceau, Perceval du Pays de Galles. Je vous salue, comme ma mère me l'a pris. Ma mère m'enseigna et dit... que les pucelles saluassent en quelque lieu que les trouvassent. Arrière, valet. Tiens ta voix. Fuis que mon ami ne te voie. Je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief, car ma mère me l'enseigna. Moi, je ne te baiserai pas, autant qu'elle soit en mon pouvoir. Va-t'en. Mon ami va te voir et dès qu'il te voit, tu es mort. Alors, bien entendu, t'imagines la tronche des nanas, car même au cœur d'une société aristocratique britannique de la fin du 19e siècle, ce phrasé littéraire certes sublime n'en était pas moins obsolète. Résultat, notre James Maybrick fut immédiatement la proie favorite des avanies et des quolibets. Sans cesse, ses petits camarades d'Oxford prenaient alors un malin plaisir à le chambrer sur sa virginité quand eux-mêmes avaient déjà traversé cet océan qui va de l'ami à l'amant pour goûter au plaisir que pouvaient leur offrir les rives de l'autre sexe. Et c'est ainsi qu'en juin 1861, lors de la cérémonie de la remise des diplômes à Oxford, excédé par les moqueries, la tension sexuelle refoulée chez James Maybrick s'exprima pour la première fois face aux doyens de l'université par le prisme d'un objet phallique. Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un ? Pardon ? Je vous demande si ça vous arrive parfois d'avoir envie de tuer quelqu'un. Qui ? N'importe qui. Et pourquoi ? Comme ça, sans raison, une impulsion. Non ? Vous pensez jamais à des trucs pareils ? Non. Alors à quoi vous pensez ? À votre couteau. Il vous plaît ? Pas du tout. Vous devriez le ranger dans votre poche. C'est dangereux de jouer avec ce genre d'instrument. Vous avez raison. Tenez, je vous en fais cadeau, prenez-le. Mais j'en veux pas. Mais si, prenez-le, c'est un bon couteau, faites-moi plaisir. Mais j'ai pas besoin de couteau. Mais moi non plus, si je le garde, je sens que je vais faire une connerie. Mais je m'en fous de votre couteau, je le mets là, voilà. Je le connais pas. Vous devriez pas laisser traîner un outil pareil. Ça pourrait donner une idée à quelqu'un. Fasciné par ce couteau, tel le révérend Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, James Maybrick prenait alors tout doucement le chemin de la métamorphose que l'on sait. Car il n'était pas né, mais il devenait Jack l'Éventreur. Nuance cruciale dans l'approche de la psychologie des tueurs en série. Cela dit, à l'époque, il n'était pas encore trop tard et averti par le doyen d'Oxford de cet inquiétant épisode, la mère de James Maybrick, femme éclairée, femme admirable, décida d'envoyer son fiston en consultation d'une science toute nouvelle, la psychanalyse. Mais immédiatement, devant cette disciple de Freud, Madame Catherine Tooneau, le ressentiment de James à l'égard des femmes fut éloquent. Mais madame, je n'ai pas de troubles psychiatriques ou vos conneries de je ne sais pas quoi. C'est mon âme qui me fait souffrir, ça vous n'y pouvez rien. Et pourquoi je n'y peux rien ? Bien parce que vous êtes une femme. Je me vois mal parler de mon âme avec vous. C'est quoi votre définition de l'âme ? Attendez, on ne va pas parler de théologie maintenant, je ne suis pas votre copain. Je suis enfermé dans cette clinique merdeuse depuis hier soir. Vous êtes là pour m'examiner et dire que c'est tout à fait scandaleux. Non, je voudrais vraiment connaître votre définition de l'âme. Vous voulez que je vous réponde une bite et deux couilles ? C'est pas une âme, c'est une manière de négocier au quotidien avec la question de l'être. Voilà. Je ne dis pas que ça vous est inaccessible. Je dis que je négocie au putain de quotidien avec la question de l'être. Et ne me toisez pas avec votre regard de mère la vertu ou féministe je ne sais pas quoi, avec votre bloc-notes sur les genoux à guetter que je vous refile du symptôme pour mieux pouvoir m'enfermer et vous venger de je ne sais quel dol de dingue que vous portez sur la gueule. Je vous ai rien fait, j'ai rien fait à personne, je ne suis pas fou. T'as compris le message ? Tu peux aller le répéter à ton politbureau toute seule ou t'as besoin de moi ? Non, je pense que vous n'êtes peut-être pas fou, mais une bonne semaine ici à vous calmer ne pourra vous faire que du bien. Malheureusement, cette semaine d'internement ne suffit point à soigner les blessures narcissiques de James Maybrick. Et c'est parce qu'il considérait que les femmes n'avaient pas d'âme qu'il est devenu Jack l'Éventreur. Cela dit, afin de mieux comprendre cet effrayant cheminement psychologique chez notre patient, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelle fut l'obsession de Jack l'Éventreur entre 6 et 8 ans. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble les conclusions de son enquête sur l'enfance de notre mystérieux patient. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Alors, inspecteur, professeur, pardon. J'avoue avoir eu certaines difficultés en ce qui concerne l'analyse du patient Jack l'Éventreur. Non, parce que bon, à première vue, là comme ça, quoi de plus banal qu'un multirécidiviste sanguinaire ? C'est vrai, quoi. Égorger 5 femmes comme on égorgerait 5 truies, c'est plutôt chose commune. Alors oui, monsieur prenait soin de dépecer ses victimes et faisait étalage de leurs organes. Accordons-lui cette petite fantaisie. Ainsi, il m'a fallu creuser et remonter à sa plus tendre enfance pour trouver la piste d'une quelconque pathologie psychiatrique. De toute façon, l'enfant est un peu sadique avec l'animal. Ce sadisme, c'est peut-être souvent un prolongement d'une activité manipulatoire, manhabile. À ce moment-là, on peut avoir un enfant qui veut voir comment se déploient les ailes d'une tourterelle et qui les luxe légèrement, un petit peu en arrière, pour savoir jusqu'où ça tient, il veut faire partie. Voyez-vous, c'est, je crois, une approche de l'animal, une approche du vivant. C'est là que nous démarrons avec la responsabilité pour l'éducation de l'enfant vis-à-vis du monde animal. Malheureusement, question éducation, surtout dans le tiercard de Whitechapel, c'était pas trop ça. Du coup, Jack persiste dans la dissection animalière. Et pour pécho de la bonne volaille, en bon vieux Jackie qu'il devient, il s'initie au loisir qui lui convient. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse, quoi. C'est un art. Oh, ben, c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur ? Oh putain, c'est essentiel, ouais. Bah ouais quoi, fuck les clichés, les stéréotypes. Jack est peut-être chasseur, mais il a un cœur, surtout quand il est question de poule. Vous mangez comme un oiseau. Et vous êtes expert? Pas tellement. En réalité, les oiseaux ne m'intéressent pas tellement. Ma passion à moi, c'est de les empailler. C'est un passe-temps surprenant, étrange. Il est bon qu'un homme ait un passe-temps. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps. C'est plus que ça, tu m'étonnes. Mais à force d'abuser des bonnes choses, taxidermie compris, on a du mal à se faire accepter. Surtout avec une passion aussi débordante. Alors, c'est bien, hein, c'est bien? Hein? Non? C'est bien? Pauvre bête. Hein? C'est pas bien? C'est bien, non? C'est bien, regarde. Pauvre bête. C'est bien? J'ai tout donné? Pauvre bête. C'est bien? C'est bien. Non? C'est pas bien? Ah, il est déçu, le pauvre garçon. Mais en même temps, les poules empaillées, qui s'intéresse, franchement? Alors du coup, Jack est prêt à tout pour se faire remarquer. Et quand Jack a dit que c'était plus qu'un passe-temps, eh ben oui, en effet, les poules, c'était plus qu'un passe-temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens de surprendre un type qui était en train de violer une de mes volailles. Mon Dieu, mais c'est dégoûtant. Oh putain, comment on peut violer une poule? Faut chercher si on trouve pas d'autres indices. Regardez, j'ai trouvé une autre lettre. Y a écrit quoi? Y a écrit quoi? Y a écrit le timide ta... le taxe... C'est quoi ce mot? Taxidermiste. Ce tableau de chasse est sans conteste celui d'un vrai maniaque. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête qui nous révèle ce matin que Jack l'éventreur, môme, fut déjà un violeur de poules. Mais dis-moi, penses-tu que si Jack avait été jugé, on lui aurait trouvé des circonstances atténuantes liées à cette enfance si difficile? Ce soir, nous reconstituons pour vous le procès de Jack l'éventreur. Mais tout de suite, place à l'histoire, vive la justice et merde à tous les cons qui sont hypocrites. Bien, je déclare la séance ouverte. Accusé, vous êtes soupçonné d'avoir tué 5 ou 6 femmes de sexe féminin qui pratiquaient la vente de leur corps. Il est à noter que les femmes qui pratiquent la vente de leur corps sont également appelées des putes. Bien, accusé, avez-vous quelque chose à déclarer? Oui. Merci. Maîtresse, la parole est à vous pour l'accusation. Merci. Monsieur le juge, j'ai ici de quoi confondre l'accusé. Une lettre de plus de 70 pages, écrite par une des victimes dans un dernier souffle. C'est poignant. 70 pages? La femme était bien bavarde avant de mourir. Réellement, monsieur le juge, je suis innocent. Cette pute a toujours habité Londres, alors que tout le monde sait que j'ai toujours habité La Roche-sur-Yon. Et alors, ça ne prouve rien. Vous avez très bien pu prendre l'avion. Il est à noter que c'est la première fois dans l'histoire des Robin des Bois qu'ils écrivent une phrase avec un verbe, un COD, et qui s'accordent et sans gros mots. C'est pourquoi nous allons ensemble obtempérer, une silence de seconde. Une, et ben voilà. Alors, selon cette judiciaire instruction, Jack l'éventreur serait au final de La Roche-sur-Yon. Supputation fantaisiste, me diras-tu. Mais avec Jack, on n'en finira jamais de supputer. Cela dit, toujours dans l'auscultation de ce registre palpitant des survivances contemporaines de notre serial killer, essayons maintenant, dans les minutes qui viennent, de localiser les résurgences de la structure mentale psychopathe de notre patient cousin du vampire des Carpates. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, appuyé cette semaine, s'il vous plaît, par l'acuité du maître de l'épouvante, Sir Alfred Hitchcock, eh bien l'un et l'autre donc ont tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre tueur en série londonien au cœur de notre histoire récente. Alors professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et à monsieur Hitchcock et découvrons attentivement cette étrange fable intitulée « C'est lui » où nous ne savons plus très bien qui est qui entre les forces de l'ordre et les serial killers. L'expert jungien et Alfred Hitchcock, pointez-vous au labo! Analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je me contenterai d'apporter un témoignage et je ferai le ménage dans les cerveaux pour ceux à qui la faim a échappé. La pièce de ce soir est une scénette ravissante intitulée « C'est lui ». Comment va-t-elle ? Elle va s'en remettre. Je ne pense pas que son état soit très sérieux sur le plan physique. Par contre, sur le plan émotionnel, elle a subi un choc très fort. Est-ce qu'elle vous a donné des détails précis au sujet de cet individu ? À quoi ressemblait-il ? Le ministre de l'Intérieur a justifié l'appel à témoins et l'offre de récompense à ceux qui permettent d'arrêter les coupables. Quant à ceux qui disent qu'ils sont contre la délation, moi aussi. Mais je suis pour le respect des lois de la République. Quand on informe, on ne se livre pas à la délation. Oui, elle a dit qu'il était grand et brun et qu'il portait un costume gris. Dans la nuit, tous les chats sont gris. À l'heure qu'il est peut-être en train de se promener tranquillement dans la rue. On n'a jamais couvert les assassins qui font de cette pratique une espèce de sport en prenant soit en otage, soit en tuant des gens innocents. Bien sûr, mais on ne peut tout de même pas arrêter tous les hommes en complet et gris. Si on reste dans le vague, eh bien, précisément, on n'avance pas. Quel est le message que l'on veut faire partager ? Le docteur a dit qu'il fallait qu'on s'en aille d'ici. On va aller à l'hôtel. Nicolas Sarkozy, il voulait au moins 26 000 expulsions. Il y en a eu près de 30 000. Brice Hortefeux assume cette politique chiffrée qui envoie un message clair. As-tu envie de faire un petit tour avant d'aller à l'hôtel ? Oui, ce serait bien. Il y a en réalité une obligation de résultat. Faire respecter les règles de notre pays. Donc oui, je suis fier de faire respecter, appliquer la loi de mon pays. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Monsieur Poniatowski, d'après vous, quel sort doit être réservé à l'assassin dans cette affaire ? Il serait à la justice de trancher. Ce sera une justice faite avec des jurés populaires. Et je vous dirais que si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. Vous voyez, le crime ne paie pas. Il faut avoir un sponsor. Bonsoir et à la semaine prochaine. À bientôt, monsieur Hitchcock. Portez-vous bien. Et vous avez raison, le crime ne paie pas. Il faut avoir un sponsor. Cela dit, sans vous contrarier, tout au contraire, il se trouve que depuis quelques mois, les serial killers New Age ont trouvé dans la crise mondiale un formidable sponsor. Oui, aujourd'hui, Jack l'Éventreur ne fréquente plus les bas-fonds. Il est en haut d'une tour de verre, en costume trois pièces, les mains manucurées. Et ses victimes se comptent dorénavant par dizaines de milliers. De la même manière, le mode opératoire n'est plus le même. Quand Jack, lui, poignardait sa proie dans l'ombre, désormais le serial killer exerce au grand jour et licencie dans son bureau face à face. La première fois que tu butes un mec, c'est pas facile. T'as un peu l'impression d'être une chiotte comme Jack l'Éventreur. Le premier client, c'est vache, je te jure. Le deuxième, c'est pas la fête, mais tu te sens déjà moins merdeux. Tu tremblotes encore un peu, c'est d'accord. Sauf que c'est un peu plus dilué, alors c'est déjà mieux. J'ai dégueulé à mon premier, c'est marrant, hein. Mais le troisième, oh là, c'est du gâteau. Tu travailles peinard. T'as plus de problème. Et maintenant, je vais te dire, ça m'amuse de les voir lentement virer au vert. Évidemment, après quelques dizaines de milliers de licenciements, l'expertise du serial killer en entreprise s'accroît proportionnellement à l'évaporation de sa culpabilité. Un vrai psychopathe, quoi. Certes, beaucoup moins mystérieux que Jack l'Éventreur, mais tout aussi effrayant, n'est-ce pas ? Cela dit, il faut être prudent et ne pas s'empresser de juger un serial killer comme un être extraterrestre. Car il est humain avant tout. Et son effrayante part d'ombre doit nous interpeller sur la nature de certaines de nos pulsions. Car parfois, devant la bêtise humaine par exemple, tu sens bien que montent en toi des réflexes de Jack l'Éventreur, non ? Oh, c'est Mercedes, tu te souviens pas de moi ? J'ai passé l'annonce il y a une semaine. Eh, j'attends la réponse, merde quoi ! Oh, tu me réponds pas ? Et alors, je te fais peur, c'est ça ? D'où vient d'appoint à qui c'est attendre ? Vous et ce vieux Jackie, combien de temps pourrez-vous attendre? Hé, hey Johnny, on est venu te voir chanter à X, et puis je peux te dire qu'on n'a pas roté après le concert, hein. Hé, hey, on attend toujours le bisou dans la dédicace. Hé, hey, Johnny, tu nous la joues vedette ou quoi? Vous savez que vous ressemblez avec votre sac à main et vos chaussures bon marché à une fille de ferme. Une fille de ferme endimanchée, sans le moindre bon goût. Alors, ça va pas, non? Miaou, miaou, miaou, miaou. Elle est cinglée, non? Plutôt, oui, oui. Oh, la pauvre fille. Enfin, et voulez-vous comme ça tous les trois, hein? Tous les quatre? Vous oubliez le cadavre? J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Les hommes, c'est tous des salauds, des égoïstes, des menteurs. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Alors ça suffit maintenant. On se remet l'asticot dans le slip et on se calme. Coquin va. Coquinou. Je tiens à entendre vos confidences à propos de toute autre chose, à propos de vous-même. Échange de bons procédés, oui ou non? Vous vous souvenez, vous, de votre premier chagrin d'amour? Encore aujourd'hui? Ouais, mais je crois que les chagrins d'amour, c'est pas qu'à 13 ans, on en a toute notre vie. Ouais, ça veut dire que c'est vivant, ça veut dire qu'on a encore le cœur qui palpite. Oh, votre problème, c'est que vous ne vous amusez plus de rien dans la vie. Ça vous arrive souvent, juste avant de voter, de jouer au bonneto avec les bulletins de vote? C'est ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle, c'est vrai? Oui, honnêtement, j'étais un petit peu perplexe et je ne savais pas très bien pour qui voter. Et vous avez fini par mélanger les bulletins et vous en avez tiré voilà, un. Voilà, j'ai fait ça. Et c'était Nicolas Sarkozy, et c'est ça? Et c'était Nicolas Sarkozy. Des regrets? Je l'ai mis dans... Non, non, sincèrement non. Je pense que bon, on avait... Enfin, je veux dire, vu le choix qu'il y avait à l'époque, je crois que j'ai fait le moins pire. La signification du papillon est le passage de la larve à la chrysalide. Un changement s'opère. Une métamorphose vers la beauté. Ah, Sophie Marceau, voter au hasard, n'est-ce pas la chose la plus tarte que l'on ait entendue ces derniers temps? Un coup à réveiller des pulsions psychotiques, ça. Enfin bref, pour en finir avec les résurgences contemporaines de notre patient, revenons par chez nous, dans notre ministère de psychopathes, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici l'oncor chétif, t'offre à son tour ce matin ces divagations schizophréniques de charcutier. Alors, comme d'habitude, c'est complètement dingo et il nous flanque de plus en plus la trouille. On dirait Patrick Batman dans American Psycho, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Yeah. Ouais, je t'aime bien, Jack. Tu nous fous la trouille, Jacouille. La nuit, avec ton couteau, tu marches à Londres et tu surines sur le trottoir. C'est défendu, apprends le caniveau. Et Jack, finalement, j'ai percé ton secret. T'es un joueur, non pas au blackjack ou au jackpot. Pourtant, à Londres, tu joues ta mise. Non, toi tu joues à Jacadi avec les filles. Jacadi lève les bras, viens, rentre ton ventre. Non, j'ai pas dit Jacadi. Ah, pour la peine, je te le sors. Et voilà, après, on a la fille en vrac. Et c'est les cops qui refont le puzzle. Sacré Jack le player. Moi aussi, la nuit, j'ai ventre, les oreillers. Et je danse tout nu au milieu des plumes. J'en ai partout, même sur le bout. Oui, c'est marrant, j'ai mon truc en plume. Hein, Zizi, qui a dit Zizi? Non, pas de gros mots, psychopathe de lapin. Lapine, elle est trop con.